Chapitre 2. Avant la mort. Pratique de divination pour savoir quand on mourra. Un moyen de connaître approximativement dans quel délai on doit mourir consiste à poser sur l'eau de certaines sources sacrées une croix faite de deux ramilles de saule. Si la croix flotte, la mort ne tardera guère. Si au contraire la croix s'enfonce, le terme est encore assez éloigné. Il le sera d'autant plus qu'elle aura coulé plus vite. Communiqué par F. Leroux Rosporden. Quelquefois, et selon les sources, la croyance veut que l'on soit d'autant plus menacé que la croix s'enfonce plus rapidement. C'est le cas pour la fontaine de Saint-Léger en Quimerche, où le rite se pratique de façon courante le jour du pardon. Si la chemise des enfants enfonce dans l'eau de certaines fontaines, l'enfant meurt dans l'année. Cambrie voyage dans le Finistère. Cette coutume existait à Logivie, d'après Jolivet, Les Côtes du Nord, tome 4, page 46. Elle est signalée à Ivias par H. de Kerbezec, Revue des Traditions Populaires, 31e, page 293. Dans le pays de Galles, pour savoir si une personne guérira, on jette un de ses vêtements dans le puits de Gwynedd et selon le côté sur lequel il s'enfonce, on pronostique la mort ou la guérison. Rhys, Celtic Folklore. Dans la région de Saint-Jean-Trolimont, pays de Cap-Caval, il était naguère d'usage au commencement de chaque année de couper et de beurrer autant de tartines de pain qu'il y avait de personnes dans la maison. Le chef de famille prenait ses tartines et les lançait en l'air successivement en disant à mesure « Celle-ci est pour un tel, celle-ci pour tel autre » et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il eût nommé tout le monde sans s'oublier lui-même. Chacun alors se baissait pour ramasser sa tartine. Malheur à qui trouvait la sienne renversée sur le côté beurré. Il était sûr de mourir dans l'année. Communiqué par Victor Guérin, Quimper. Il faisait encore ailleurs, au même jour à ses fontaines, les offrandes d'autant de pièces de pain qu'il y avait de personnes dans leur famille, jugeant de ceux qui devaient mourir cette année-là par la manière dont ils voyaient flotter sur l'eau les morceaux qu'ils avaient jetés en leur nom. Vie de Monsieur de Noblet. Superstition de la Basse-Bretagne au XVIIe siècle, Revue Celtique, tome 2, page 485. Si le côté beurré se tournait en dessous, c'était la mort. Si les deux morceaux se collaient, signe de maladie. Si le pain restait entre deux os, la vie était en danger. S'il surnageait, on était sûr de vivre. Verumort, Voyage en Basse-Bretagne, page 261. Sur la divination par les morceaux de pain, voir Anatole Le Braz, Les Saints Bretons d'après la tradition populaire, Annales de Bretagne, tome 13, page 84-85. Dans les Hébrides, la veille de la Toussaint, on creuse dans le sol un petit trou de la dimension d'une soucoupe, puis on y remet la terre qu'on a enlevée et, le lendemain matin, on le vide. Si on y trouve un ver mort, c'est signe que la fin de la vie est proche. Si le ver est vivant, c'est qu'on vivra encore à la Toussaint suivante. Goodrich Freer. En Cornwall, pour savoir si l'on doit mourir dans l'année, on met dans un vase rempli d'eau de source autant de feuilles de lierre qu'il y a de gens dont on veut connaître la destinée. Le vase est placé sur la pierre du foyer et l'on l'y laisse toute la nuit. Au matin, on regarde les feuilles. Celles qui sont devenues noires présagent la mort à bref délai. La 12e nuit est le terme extrême. Si les feuilles ont des taches rouges, elles présagent la mort violente. William Bottrell, Traditions and Hearthside Stories. Dans l'île de Man, il y a une coutume analogue. Le 12 novembre au soir, on met du sel dans un dé à coudre et on le renverse sur une assiette pour former un petit tas. On répète l'opération autant de fois qu'il y a de personnes dans la maison et on attribue un tas de sel à chacune. On laisse l'assiette en cet état toute la nuit et au matin, on regarde si quelque tas s'est écroulé. Car la personne à qui a été attribué un tas qui n'aurait pas subsisté doit mourir dans l'année. Le 12 novembre de notre calendrier correspond au 1er novembre ancien style. Rhys, Celtic Folklore. Appelé Gat-Guéran, sur le bord du chemin vicinal du Guerlesquin, il y a une fontaine appelée Fontaine-en-Coup, la fontaine du trépas. Celui qui veut être renseigné sur son destin n'a qu'à s'y rendre la première nuit de mai sur le coup de minuit et à s'y pencher au-dessus de l'eau. S'il doit mourir sous peu, au lieu de son image vivante, c'est la tête qu'aura son squelette qui lui apparaîtra. Jacquette crase, l'an meurt. La première nuit de mai, Beltane est en Irlande, une des nuits où les âmes errent en grand nombre dans les campagnes. Sur le rivage septentrional de la rade de Brest, la tradition veut que le mois de mai soit néfaste. Un patron de l'Oberlac avait fait construire à Brest un bateau neuf. Comme on était au mois de mai, il lui donna au baptême le nom de Fleur de Marie, persuadé que cela lui porterait bonheur. Mais quelqu'un qui assistait à la cérémonie dit en hochant la tête « La Vierge même ne peut pas empêcher le mois de mai d'être le mois de mai, bien qu'il lui soit voué. Ce bateau-là n'aura pas de chance. Je plains les hommes qui s'y embarqueront. » Dès l'hiver suivant, le bateau se perdait au large et l'on ne revit jamais aucun de ceux qui le montaient. Communiqué par Amédée Créache. Action qui entraîne la mort. Une femme enceinte ne doit pas accepter d'être marraine. Elle ou son fruit mourrait dans l'année. Quand un conscrit part pour l'armée, s'il retourne la tête pour saluer une dernière fois la flèche de son clocher ou la cheminée de sa maison, c'est signe qu'il ne les reverra pas vivants. Les gens qui découvrent des trésors n'en jouissent pas longtemps. Leur sort, ou comme on dit leur planète, est de mourir un an jour pour jour après leur découverte. En Bretagne comme en Irlande, ce sont souvent les revenants qui indiquent l'endroit où est caché un trésor ou un talisman. Des Hide Beside the Fire, page 159. D'Autun, Contes Irlandais, page 64. Curtain Tales of the Fairies, page 131. Un homme avait vu à terre dans un cimetière une pièce de 5 francs. Mais chaque fois qu'il essayait de la prendre, elle rentrait dans le sol. Il finit par s'en emparer en mettant son chapeau dessus et en creusant à l'endroit où il l'avait trouvée. Il découvrit un trésor. Il ne tarda guère à mourir. Paul Sébillot, Contes et légendes du pays de Gouarec, revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. Le trésor du mort. Une fermière de Plounéour-l'Anverne, Marie-Jeanne Tosse, chaque fois qu'elle allait dans son courtis, voyait auprès de la barrière donnant sur la route un homme des environs mort depuis près de 5 ans. Il lui faisait des signes avec la main, comme pour l'inviter à le suivre quelque part. Un beau jour, impatientée de son manège, elle s'enhardit à marcher jusqu'à lui et à lui demander « Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous de moi ?» Il lui fit signe de passer la barrière et de venir. « Ma foi, se dit-elle, j'en aurai le cœur net. » Et la voilà de cheminer sur les pas du mort. Il la mena ainsi jusqu'au sommet d'une lande déserte, où il y avait une grande roche. L'homme, s'agenouillant à terre, se mit à gratter le sol avec ses doigts. Quand il eut fini, il se tourna vers la femme et lui montra le trou qu'il venait de creuser. Elle se pencha et vit un monceau de pièces d'or qui brillait d'un éclat neuf. Jamais elle n'avait contemplé pareille somme. Tandis qu'elle regardait cet or avec une admiration mêlée d'envie, le mort disparut. « S'il m'a révélé sa cachette, c'est sans doute pour que je profite de ce qu'elle contient, » pensa Marie-Jeanne Tosse. Et ramassant à poignée les pièces étalées devant elle, elle en remplit son tablier. Rentrée chez elle, elle les empila dans son armoire. Et le soir, elle dit à son mari « Tu désirais un nouveau cheval, tu peux en acheter non pas un, mais 4, mais 10, et davantage, car nous sommes riches. » « Comment cela ? » s'informa-t-il tout joyeux. Elle lui raconta son aventure, mais le front du fermier aussitôt se rembrunit. « Si tu tiens à ta vie, va vite reporter cet argent où tu l'as pris. Pourquoi ? Parce que si tu ne t'en débarrasses pas, tu es voué à mourir dans l'année. » Dès le lendemain matin, elle courut à la lande haute remettre les pièces d'or à leur place. Mais peu de jours après, ayant eu besoin de prendre du linge dans son armoire, elle entendit un bruit d'argent. Elle regarda et vit avec stupeur que c'était le trésor du mort qui était revenu. « C'est bien ce que je craignais, » lui dit son mari. « Va trouver le recteur. Peut-être te donnera-t-il un bon conseil. » Mais le recteur l'arrêta dès les premiers mots de son histoire. « Je ne puis rien pour vous, » déclara-t-il. « Vous avez délivré ce mort, et maintenant il faut qu'à bref délai vous preniez sa place. Préparez-vous donc à mourir chrétiennement et commandez qu'on mette l'argent du trésor avec vous dans votre cercueil. Ainsi seulement vous serez sauvé. » Elle ne tarda pas à trépasser, en effet, sans avoir été malade, et l'on enterra avec elle le trésor du mort pour qu'il ne causât plus la perte de personne. Comptée par Perrine Laz Quimper. La tradition galloise mentionne une classe de revenants qui indique tous sont cachés des trésors et à qui il faut les remettre, et Owen Welsh Folklore, page 202. Il y a dans les croyances irlandaises un certain nombre d'autres actes qui sont prohibés, comme pouvant être suivis de mort. Ainsi, un malade ne doit être visité ni le vendredi, ni par une personne qui vient d'une veillée funèbre. On ne doit couper les cheveux et les ongles d'un malade qu'après rétablissement. Lady Wilde, dans certaines parties de l'Irlande, quand une personne meurt subitement dans un champ ou sur une route, on n'aime pas recevoir son cadavre dans une maison, car si on y consentait, une personne de la maison mourrait avant un an. R. Clarke, Folklore Collected in Co., Wexford's Folklore Record, tome 5, page 82. Dans les Hébrides, si l'on couvrait une maison avec des roseaux, la mort s'ensuivrait. Goodrich Freer, un enfant qui marche à reculons abrège la vie de sa mère. La vie qui va et vient avec la mer. Mon père était gabarier. Tous les jours, il descendait la rivière du Jaudy jusqu'à la mer pour aller chercher du goémon ou du sable. C'était un dur métier, quoiqu'il ne rapportât guère. Un soir, la gabarre s'échoua dans les vases. Mon père, malgré la température, on était en décembre, se mit à l'eau pour essayer de la dégager et, en rentrant à la maison, se coucha, malade d'une fièvre qui ne le quitta plus. De semaine en semaine, il alla s'affaiblissant. « Je suis fichu, » nous dit-il un matin, « je n'ai plus que 4 jours à vivre. » Notez que c'était, avant ce malheur, un homme robuste, dans toute la force de l'âge, et cela le désespérait de mourir si jeune, surtout qu'il savait dans quelle misère nous allions rester. Il y avait pourtant des moments où nous reprenions confiance, parce que lui-même semblait reprendre vie et couleur. Ma mère lui disait « Avoue que tu vas mieux, Tual. » Alors il riait d'un rire triste. « C'est qu'il est flot à 7 heures, Marivonne, » répondait-il en hochant la tête. « Mais tu verras après, quand il sera jusant. » Et c'était vrai. La vie allait et venait en lui tantôt plus et tantôt moins, selon que la mer montait ou descendait. Il nous disait de ne pas nous en étonner, que cela était habituel chez les marins quand ils étaient, comme lui, sur le point de quitter ce monde. À l'aube du 4e jour, comme je lui apportais de la soupe chaude, il me demanda « C'est grande marée aujourd'hui, n'est-ce pas, Béatrice ?»« Oui, père, » fis-je. « Pourquoi ?»« Parce que c'est la faim qui approche, mon enfant. Remporte cette soupe, je n'ai goût de rien. » Il avait des larmes dans les yeux, et moi aussi j'avais beaucoup de peine à m'empêcher de pleurer. Ma mère s'était approchée. J'avais l'intention d'aller ce matin jusqu'au lavoir, dit-elle, mais si tu as besoin de moi, je m'abstiendrai de sortir. Non, non, répondit-il, va laver, il suffira que tu sois de retour pour midi, je n'ai besoin que du prêtre, et Béatrice ira me le chercher quand il sera temps. Ma mère, pour lui obéir, s'en alla au lavoir, emmenant mes petits frères et mes petites sœurs, pour qu'il ne restasse pas à faire du bruit dans la maison. Et je demeurais seule auprès du malade. De temps à autre, il me disait « Béatrice, va regarder où est arrivée la mer. » Comme notre logis n'était qu'à 15 pas de la berge, je n'avais qu'à ouvrir la porte pour voir jusqu'où l'eau avait monté dans la rivière. Je revenais vers le lit en annonçant « La bouée noire est à flot » ou bien « La moitié des vases est couverte ». Quand il sut que l'eau touchait aux premières pierres du débarcadère, il me dit « C'est le moment d'aller chercher le recteur ». J'aurais voulu attendre que ma mère fût rentrée, mais il ne le permit pas. Je ne fus d'ailleurs pas longue à faire ma tournée, car je courus tout d'une haleine jusqu'à Trogery, et moins d'une demi-heure plus tard, je ramenai le prêtre. Mon père se confessa, reçut les sacrements, et pria le recteur de nous recommander aux bonnes âmes de la paroisse quand il ne serait plus. Après quoi, il ajouta d'un ton presque gai, « Vous pouvez avertir Yann Gam de mettre pioche en terre, monsieur le recteur. » Yann Gam était le fossoyeur du bourg. Quand ma mère arriva du lavoir avec la marmaille, mon père lui dit « Voilà, Marivonne, le recteur sort d'ici. Tous mes comptes sont en règle. » Et s'adressant à moi, « La mère doit être étale, Bétrice. »« Oui, répondis-je, elle est bien haute. » On l'entendait en effet clapoter doucement, presque à toucher la berge. Alors mon père dit à ma mère, « Tu peux prévenir les voisines, c'est l'heure de commencer les prières des agonisants. » Il fut admirable de résignation et de piété, le pauvre cher homme, et tint à mêler sa voix aux voix des femmes qui récitaient les oraisons. Cependant, on le voyait baisser, baisser peu à peu. Et tout se passa comme il avait prédit. Aux approches de la marée basse, il cessa de vivre. Conté par la vieille Bétrice, Trogery, 1900. Dieu fait mourir ceux qu'il aime le samedi soir, parce que c'est aussi le samedi soir qu'après avoir créé le monde, il commença à prendre son repos. Passion d'Avener, maraudeur Zadorn, Intaramant d'Arzul, d'Arbarados, et sûr. Passion, agonie le vendredi, mort le samedi, enterrement le dimanche, au paradis on ira sûrement. Dicton de Basse-Bretagne. Sur la côte du pays de Galles, on croit que la marée a une influence sur la vie de l'homme, que les enfants naissent avec le flot et que les personnes meurent avec le jusant. Un des plus beaux poèmes irlandais du Xe siècle, La Lamentation de la Vieille de Beara, Selection from Ancient Irish Poetry, page 89, semble faire allusion à cette croyance. En Cornouailles aussi, on croit que la vie s'en va à la marée descendante. Courtenay, The Folklore Journal, tome 5, page 217. La fin du monde. Tant que restera allumée la lampe qui brûle dans le cœur des églises, le monde est assuré de vivre. Le jour où Dieu permettra que cette veilleuse s'éteigne dans une église, une seule, c'est que pour les hommes et les choses de la terre, l'heure fatale sera venue. La mort de cette petite flamme sera l'intersigne de la mort universelle. Un prêtre, à qui l'on demandait quand viendrait la fin du monde, répondit « Si passant de nuit près d'une église, vous n'en voyez pas les vitres éclairées, annoncez hardiment que la fin du monde est proche. » Quand les hommes oublient d'entretenir la lampe sainte, Dieu lui-même y pourvoit. L'aventure de Jean Cariou. Ce soir-là, Jean Cariou, sacristain de Pinvénan, après avoir sonné l'Angélus, avait fait sa ronde habituelle dans l'église. Rentré chez lui, il se rappela qu'il avait oublié de regarder s'il restait assez d'huile pour la nuit dans la lampe qui doit brûler éternellement au fond du sanctuaire. Mais comme cette idée ne lui vint qu'au moment de se mettre au lit, quand il était déjà à moitié dévêtu, il se coucha tout de même, en se disant que la veilleuse durerait bien jusqu'au lendemain, et il s'endormit profondément. Il devait y avoir pas mal de temps qu'il dormait lorsqu'à travers son sommeil, il s'entendit appeler par une voix douce. Dans une légende galloise, c'est un médecin qu'une voix mystérieuse appelle et invite à se rendre au chevet d'un malade. Et Owen Welsh Folklore. Cariou, Cariou, déjà ? murmura-t-il, pensant que c'était Mona, sa femme, qui le réveillait pour l'Angélus de l'aube, et trouvant que le jour se levait de bien bonne heure. Car la chambre était pleine d'une lumière blanche comme celle des matins d'été. « Caillou, » reprit doucement la voix, « hâte-toi, la lampe de l'église va s'éteindre. » Ce n'était pas sa femme qui lui parlait, mais une grande forme lumineuse drapée dans un manteau couleur de ciel. La figure était nimbée d'or. Caillou la reconnut pour l'avoir vue dans les images pieuses, dans les Tolénous. C'était la figure même de Jésus-Christ. Le sacristain fit un rapide signe de croix et se retrouva soudain dans une complète obscurité. La grande forme lumineuse s'était évanouie. Minuit tinta à l'horloge de la tour. Caillou, tout essoufflé, arriva juste à temps pour ranimer la lampe sainte. Compté par Charles Le Braz, mon frère, Pain Vénant, 1890. Le sacristain, dont on vient de lire l'aventure et à qui j'avais donné par discrétion le nom de Jean Caillou, s'appelle en réalité Jean Morvan. Il vit encore. Un après-midi de septembre 1912, il se présentait chez moi, au Port-Blanc. Il avait eu connaissance, quelques mois plus tôt, du récit que j'avais écrit sous la dictée de mon frère et considérait, disait-il, comme un devoir de conscience de m'apporter, à la première occasion, une relation authentique des faits, tels exactement qu'ils s'étaient passés. Voici traduit en français ce qu'il me raconta en breton. Il n'y avait pas un an que j'étais installé à Pain-Vénant comme sacristain. C'était une place très enviée et dans la paroisse même, beaucoup s'étaient offerts pour la remplir. Le recteur m'avait donné la préférence sur tous mes concurrents. Parmi ceux-ci, plus d'un, vous pensez, me faisait grise mine et n'eût pas été fâché, le cas échéant, de me jouer quelque mauvais tour, mais je n'en prenais pas autrement de soucis. Tout allait à merveille, ma foi, et en dehors de mes occupations de sacristain, qui n'absorbaient qu'une partie de mon temps, j'avais du travail autant que j'en pouvais abattre. Il faut vous dire en effet que je suis tailleur de mon vrai métier. Or, ce soir-là, un soir de décembre, je me rappelle bien, j'étais resté veiller un peu tard, désirant terminer un ouvrage pressé. Sur les instances de ma femme, pourtant, je finis vers 11 heures par me mettre au lit. Je dormais depuis un bon moment, lorsqu'à travers mon sommeil, que j'ai toujours eu léger, je m'entendis soudain appelé par mon prénom. « Jean !» La voix devait provenir de l'intérieur d'un tambour en bois sur lequel s'ouvrait la porte d'entrée, car le son en était indistinct et comme étouffé. Je m'étais dressé sur mon séant pour écouter, ne sachant encore si je rêvais ou si j'étais réveillé pour de bon. Une seconde fois, la voix reprit. « Jean !» Du coup, je demandais. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Pas de réponse. Quelques secondes s'écoulèrent dans le silence qui était profond. Je ne bougeais pas, attendant toujours. Alors la voix lança un troisième appel, plus fort. « Jean !» Un peu impatienté, je bougonnais. « Après, qu'est-ce que vous lui voulez, à Jean ?» La voix répliqua. « Je veux qu'il se lève comme c'est son devoir. Pourquoi »« Pourquoi ?»« Parce que la lampe de l'église est éteinte. » Cette lampe, j'étais sûre de l'avoir alimentée la veille, comme chaque soir après la sonnerie de l'Angélus. Mais il peut arriver que l'huile soit de mauvaise qualité ou que la mèche se consume plus vite que d'habitude. Sans hésiter davantage, je m'arrachai de mes draps et enfilai mon pantalon. Le mouvement que je fis réveilla ma femme. « Qu'est-ce qui te prend? Où vas-tu ? » Quelqu'un est venu me prévenir que la lampe de l'église était éteinte et je vais la rallumer. « Qui ça, ce quelqu'un ? » « Je ne sais pas. Quelle heure est-il donc ? » Environ minuit et demi. « Et tu parles de traverser le bourg à pareille heure, tout seul, quand il y a tant de gens qui t'en veulent et n'attendent qu'une occasion pour se venger ? Qui te dit qu'on n'est pas à te guetter derrière la porte ? » « Il en sera ce qu'il plaira à Dieu, » répondis-je. « Quel malheur n'attirerais-je pas sur nous et peut-être sur le monde entier ? Si je laissais l'église toute une nuit sans lumière, mon devoir est d'aller, j'irai. Je me munis d'allumettes et d'un bout de bougie, puis, sans prêter l'oreille aux objurgations de ma femme, qui me voyait déjà mise en pièces par l'un ou l'autre de mes anciens concurrents, je poussai la porte du tambour. Je pensais trouver là le personnage qui m'avait rendu le service de m'avertir, mais la place était vide. Chose plus étrange, la porte d'entrée de la maison, que je me souvenais d'avoir fermée au verrou, était demeurée parfaitement close. Je l'ouvris. Il faisait relativement clair dehors, quoi qu'on fût dans le mois très noir. Mais j'eus beau regarder à droite et à gauche, il n'y avait pas une âme dans la rue. Tout le bourg dormait. J'écoutais si j'entendrais s'éloigner un pas. Rien. J'étais le seul être vivant dans la nuit. Je m'acheminai vers le cimetière. Je gravis les marches qui donnent accès du côté nord et pénétrai dans l'église qui était effectivement plongée dans une obscurité complète. La lampe du chœur était bel et bien éteinte. J'avais froid dans tous les membres à me sentir parmi ces ténèbres. Vous ne sauriez croire ce que c'est terrifiant, le dedans d'une église sans lumière en pleine nuit. Je ne voudrais pas, quant à moi, recommencer deux fois l'expérience. C'était en vérité comme si la fin du monde allait venir. Je cherchais d'abord à tâtons le bénitier, afin de faire mon signe de croix. Et ce fut seulement ensuite que j'eus le courage d'allumer mon bout de bougie. Je me dirigeai plus rassuré vers le chœur. Comme j'allais franchir la balustrade, il me sembla que la suspension, accrochée là-haut à ses quatre chaînes, tournait sur elle-même et s'agitait avec un drôle de bruit, comme si elle eût été une chose vivante. Je frissonnais. « Voilà qui n'est pas naturel, » pensais-je. J'amenais pourtant à moi la suspension, et devinez ce que je vis. Une chauve-souris, monsieur, une énorme chauve-souris qui, les ailes prises dans les chaînes, essayait en vain de se dégager. Aussi bien, il n'y en a que trop de ces bêtes annichées dans les voûtes de l'église. En hiver, lorsque je me rends à la sacristie avant l'aube, pour les apprêts de la première messe basse, celle du second vicaire, elles volaient par bandes jusque sous mon nez. Celle-ci était d'une taille absolument extraordinaire. C'était elle qui, en se débattant, avait soufflé la lumière sainte. Je m'empressais de la délivrer pour ne la voir plus devant les yeux tellement elle était hideuse, et je ne fus soulagé que lorsqu'elle eut disparu dans l'ombre. La lampe rallumée, je m'en retournai me coucher, mais ni ma femme ni moi ne dormîmes guère le reste de la nuit. Nous étions troublés l'un et l'autre. Il y avait dans mon aventure un mystère que nous n'arrivions pas à comprendre. Moi, je tâchais de me persuader que l'inconnu qui m'avait si charitablement réveillé était un des prêtres de la paroisse. « Appelé pour extrémiser quelques moribonds, me disais-je. Il aura constaté, en allant prendre son sac noir à la sacristie, que la lampe ne brûlait plus, et il sera accouru pour me héler en toute hâte. » Je résolus d'en avoir le cœur net. Dès le lendemain matin, avant la messe de chacun de ces messieurs, je leur demandai à tour de rôle si l'on était venu dans la nuit réclamer leur ministère. Leur réponse à tous trois fut la même. Nul d'entre eux n'était sorti. C'était naturellement au recteur que je m'étais adressé en dernier lieu, puisque c'était lui qui disait la troisième messe. Quand il l'eut achevé, je le rejoignis à la sacristie. « Monsieur le recteur, lui déclarai-je, j'ai une confession à vous faire. » Et je lui racontai de point en point mon histoire. Il m'écouta d'un air grave. Puis, lorsque j'eus fini, « Remerciez Dieu, Jean Morvan, me dit-il. C'est lui qui vous a envoyé un de ses anges, à moins que Jésus-Christ ne se soit dérangé lui-même. Et vous pouvez juger par là de l'importance qu'il attache à ce que la lampe du sanctuaire ne s'éteigne jamais tant que le monde sera monde. Veillez dorénavant sur elle avec plus de soin et allez en paix. Vous savez maintenant la vérité, monsieur. je vous serai reconnaissant de la rétablir pour les autres. Auprès de l'île Grande se trouve une petite île, appelée en français l'île Canton, en breton Enes à Ganton ou Agaton. On y remarque deux croix de granit érigées à 150 pas environ l'une de l'autre. La croyance est qu'elles se rapprochent tous les 7 ans de la longueur d'un grain de blé. Quand elles se rencontreront, ce sera la fin du monde. Au milieu de la grande plage de Saint-Michel-en-Grève se dresse une croix monolithe plantée dans le sable et que la mer recouvre à chaque marée. On l'appelle Croise Arlaudrez, la croix de la lieue de grève. Elle s'enfonce tous les 100 ans de la longueur d'un grain de froment. Quand elle aura complètement disparu dans le sable, ce sera la fin du monde. À la fin du monde paraîtra l'Antéchrist. Il naîtra du mariage d'un prêtre défroqué et d'une bonne sœur. Sur l'Antéchrist, en Irlande, Dautin, Les deux chagrins du royaume du ciel, revue celtique, tome 21, 349 à 358. L'agonie. Dès que l'état d'un malade semble désespéré, les gens de la maison se mettent à genoux auprès de son lit et commencent les prières des agonisants. On n'attend généralement pas qu'il ait rendu le dernier soupir, ni même perdu toute connaissance pour allumer à son chevet une chandelle bénite, Ur Gulu Beniger. Et dès qu'il entre en agonie, on trace avec cette chandelle un signe de croix au-dessus de son visage. C'est, dit-on, pour faciliter la séparation de l'âme d'avec le corps. Il est fait mention chez L. Dufilol, Guillaume Vach, deuxième édition, page 178 du Cierge béni qui aide à trépasser. En Léon, quand une personne est gravement malade et sans espoir de guérison, 10 jeunes filles d'alentour se rendent processionnellement à l'oratoire de la Vierge le plus rapproché pour demander au Christ, par l'intercession de sa mère, que cette personne soit immédiatement délivrée. 9 de ces jeunes filles prennent en groupe les devants, munies chacune d'un chapelet qu'elles égrènent sans fin tout le long de la route. Elles sont tenues de n'échanger aucune parole, ni entre elles, ni avec les passants. La 10e, qui les suit à quelque distance, a seule qualité pour répondre aux questions des gens qui, voyant défiler le cortège, s'informent pour quelle personne du parage il s'est mis en chemin. Communiqué par Prigent Plouénant. Lorsqu'un moribond a trop de mal à trépasser, il y a un moyen infaillible d'abréger son agonie. C'est de le descendre de son lit et de lui faire poser ses pieds nus sur le sol nu. Il n'a pas plutôt pris contact avec la terre que les influences qui tenaient sa vie en suspens sont rompues. Communiqué par le Digou Sker. Cette même coutume a été relevée en Écosse, mais le motif qu'on en donne est que le moribond ne pourrait mourir s'il y avait des plumes d'oiseaux sauvages dans les oreillers ou la couette. Walter Gregor. Pour la même raison, dans le comté de Leitrim, en Irlande, on couche les moribonds sur une paillasse. Après la mort, on brûle la paille sur le haut d'une colline et la lueur apprend aux gens du voisinage que la mort a passé par là. Duncan. Further Notes from County Leitrim, Folklore, tome 5, page 181. En Cornwall, on dit qu'on ne meurt pas paisiblement sur des oreillers contenant des plumes d'oiseaux sauvages. Courtenay, Cornish Folklore, The Folklore Journal, tome 5, page 217. À Kelven, en Gwern Morbihan, il y a un Melbeniged, sorte de boule en pierre de granit, que l'on place sur la tête du malade dont on veut abréger l'agonie. Elle Bonnemère, le Ma Béni, revue des traditions populaires, voir aussi John Lott, Annales de Bretagne, Le Rousic, Carnac. En Écosse, pour abréger l'agonie, on brise une quenouille au-dessus de la tête de l'agonisant. Walter Gregor. Dans le pays de Gourin, on va, pour les moribonds, à la chapelle de Saint-Mine, qui fait partie de la trêve du Saint, sur la route de Roudoualec. Il y a dans cette chapelle une statue de Saint Diboan dont le nom signifie « qui guérit de toute peine ». On commence par faire visite à cette statue et lui exposer le cas. Puis on se rend à la fontaine du Saint qui coule au fond du vallon. C'est elle qui transmet l'oracle. Mais pour cela, il faut d'abord la vider complètement avec une écuelle. Cette opération accomplie, on se penche sur le trou par lequel l'eau vive sort de terre. Si elle fait du bruit en sourdant, c'est que le moribond est sur le point de trépasser. Si, au contraire, elle s'épanche sans bruit, toutes les chances sont pour qu'il revienne à la vie. Naik en aîné du village de Saint-Jean en Spézet. Pour savoir si une maladie doit être mortelle, on met le malade entre deux trous. L'un est le trou de vie, l'autre le trou de mort. Selon qu'il tourne son visage vers l'un ou vers l'autre, il se rétablira ou mourra. Gregor, Notes on the Folklore of the Northeast of Scotland, page 205. Si le malade n'éternue pas, la maladie se termine par la mort. Le même, page 204. Enfin, il suffit de fermer les yeux, d'aller au bout de la maison et alors seulement de regarder autour de soi. Si l'on voit des poules ou des canards avec la tête sous leur aile, le malade mourra avant 3 jours. J.G. Campbell, Superstition of the Highlands and Islands for Scotland, page 261. En Irlande, pour savoir si un malade doit se rétablir, on prend 9 pierres lisses dans un courant. On les jette par-dessus l'épaule droite, puis on les met dans un feu de tourbe et on les y laisse pendant une nuit. Si la maladie doit avoir une issue fatale, les pierres choquées l'une contre l'autre au matin rendront le son d'une cloche. Lady Wilde, Ancient Legends, page 206. Dans le traité de médecine galloise attribué à Rhiwallon de Midway et à ses fils, on trouve quelques pronostics de mort. On applique sur les sourcils, l'index ou les jambes du malade de la violette écrasée. S'il dort, c'est qu'il vivra, sinon il mourra. On prend un œuf pondu le jeudi dans la maison du malade. On écrit dessus FGOGYLQYS. On le met en sûreté en dehors de la maison. Le lendemain matin, on brise l'œuf. S'il en sort du sang, le malade mourra. Sinon, il vivra. The Physician of Midway. On laisse tomber du bout du doigt du lait d'une femme nourrice dans l'urine du malade. Si le lait reste à la surface, le malade vivra. On donne à boire au malade de la fleur de pâquerette écrasée dans du vin, ou de la pimprenelle, de l'euphorbe, du trèfle écrasé dans de l'eau, ou du jus d'herbe mélangé à du vin blanc. S'il vomit ou non, il mourra ou reviendra à la santé. On enduit le talon du malade avec du gras de porc. On donne le reste à manger à un chien. Si le chien le mange, le malade guérira. Le moribond extrémisé par un prêtre mort. Lomgren était journalier à la ferme de Kernis. En ce temps-là, il n'y avait pas d'horloge chez les riches, encore moins chez les pauvres gens. Lomgren, pour savoir s'il était l'heure de se rendre à son travail, avait coutume de consulter la couleur du ciel. Dès qu'il le voyait blanchir, il se levait, s'habillait et se mettait en route. Une nuit, en se réveillant, il crut remarquer qu'il faisait clair de jour, et sauta promptement hors du lit. C'était en hiver. L'homme partit encore ensommeillé. Comme il allait par le grand chemin, il croisa un prêtre portant l'hostie, accompagné d'un enfant de chœur qui faisait tinter une clochette. Le prêtre, en passant près de l'homme, lui dit « Suivez-moi. On ne refuse pas d'obéir à un prêtre qui porte le bon Dieu. » L'homme suivit, tête nue, en récitant des prières pour la personne qu'on allait extrémiser. Le prêtre et l'enfant de cœur s'engagèrent dans une garenne. « Tiens, pensa l'homme, il paraît que c'est à Tréglos qu'il y a quelqu'un de malade, probablement le vieux Guilcher. » C'était en effet au manoir de Tréglos, et c'était aussi Guilcher le vieux. Il était là, étendu sur son lit, et déjà mûr pour la terre. Deux hommes faisaient mine de l'assister, mais en réalité, ils dormaient profondément sur leur siège. Ils ne rouvrirent même pas les yeux pendant que le prêtre administrait aux moribonds les derniers sacrements. L'homme qui s'était agenouillé sur le seuil ne put s'empêcher de trouver cela scandaleux. Le prêtre, ayant terminé son office, fit le signe de la croix et dit en s'adressant à Guilcher le vieux, « Brave homme, il y a longtemps que je vous devais vos sacrements. Je vous les ai donnés. Nous sommes quittes. » Cette parole, l'homme graine n'en comprit jamais le sens. Cependant, le prêtre sortit. « Allez maintenant à votre travail, » dit-il au journalier. « Vous y serez encore de bonne heure. » Lorsque l'homme arriva à Kerniz, il ne trouva en effet sur pied que la servante de cuisine. « Vous êtes bien matinale ?» lui dit-elle. « Nos gens ne sont pas levés et je ne fais que d'allumer le feu pour la soupe. »« Tant mieux, » répondit l'homme. « Au moins, on ne m'accusera pas de paresse. » Et en attendant que la soupe fût prête, il alla curer la crèche aux chevaux. Quand il rentra dans la maison pour déjeuner, il entendit un des hommes attablés qui disait « Vous savez la nouvelle ? Guilcher le vieux est mort cette nuit sans avoir reçu les sacrements. »« Cela est faux !» s'écria l'homme. « Si Guilcher le vieux est mort cet entretien, j'ai moi-même assisté le prêtre qui lui administrait l'extrême onction. J'ai vu lui donner le bon Dieu. » Et l'homme de raconter son aventure. « Dame, » reprit le laboureur qui avait parlé, « j'ai rencontré tout à l'heure un de ceux qui veillaient Guilcher. C'est de lui que je tiens la chose. Ils étaient deux et s'endormirent aussi bien l'un et l'autre qu'ils n'ont pas su à quel moment le trépassé avait rendu l'âme. Celui que j'ai rencontré, c'est Yves Ménez. Il allait au bourg chercher la croix d'argent et était même fort inquiet sur la façon dont il serait accueilli par le recteur. « Eh bien, il faut que j'en aie le cœur net, » murmura l'homme graine. « Je vais au presbytère de ce pas. » Il se rendit au presbytère. Quand il eut exposé le cas, le recteur lui dit « Tout ce que je puis vous affirmer, c'est que le prêtre que vous avez suivi n'était pas de ce monde. L'étourderie des deux veilleurs aurait pu causer la damnation éternelle de Guilcher le vieux. Mais Dieu a des ressources infinies pour sauver les âmes. » L'homme graine s'en retourna à son travail. À partir de ce jour, il demeura préoccupé, étrangement sérieux, presque triste. Au printemps, il mourut. Conté par Fantikomnes, Bégard, 1888. La femme aux deux chiens. Ceci se passait au temps où les toiles de Basse-Bretagne étaient renommées entre toutes. Il n'y avait pas alors à Pinvénan ni aux alentours de fileuse qui filât aussi fin que Fantarmerer de Cré-Ravel. Tous les mercredis, elle allait à Tréguier vendre son fil. Un mardi soir, elle se dit « Il faudra que demain je sois sur pied de bonne heure ». Elle se coucha avec cette préoccupation. Au milieu de la nuit, elle se réveilla et fut étonnée de voir qu'il faisait déjà presque clair. Elle se leva en grande hâte, s'habilla, jeta sur ses épaules son paquet d'échevaux et se mit en route. Arrivée au pied de la montée qui mène vers Croisard-Brabant, elle fit rencontre d'un jeune homme. La croix du Brabant, au carrefour des routes qui vont de Pinvénan à la Roche-d'Airien et de Tréguier au Trévoux. Ils se bonjourèrent mutuellement et cheminèrent côte à côte jusqu'à la croix. Là, le jeune homme prit Fantarmerer par le bras et lui dit « Arrêtons ici ». Il la poussa dans la douve contre le talus et se plaça devant elle comme pour la protéger. À peine se furent-ils ainsi rangés de la route que Fant entendit venir un bruit épouvantable. Jamais elle n'avait ouï fracas pareil. Il y aurait eu à la file 100 lourdes charrettes lancées au galop qu'elle n'aurait pas fait plus de train. Le bruit approchait, approchait. Fant tremblait de tous ses membres. Néanmoins, elle cherchait à voir ce que ceci pouvait être. Une femme passa dans la route, courant à perdre haleine. Elle allait si vite qu'on entendait palpiter les ailes de sa coiffe, comme si c'eussent été deux ailes d'oiseau. Ses pieds nus touchaient à peine le sol. Il en pleuvait des gouttes de sang. Ses cheveux dénoués flottaient derrière elle. Elle agitait les bras en des gestes désespérés et hurlait lugubrement. C'était une plainte si angoissante que Fantarmerer en avait froid jusque sous les ongles. Cette femme était poursuivie par deux chiens qui semblaient se disputer entre eux à qui la dévorerait. De ces chiens, l'un était noir, l'autre blanc. C'était eux qui faisaient tout le vacarme. À chacun de leurs bonds, les entrailles de la terre résonnaient. Voir aussi la lutte du corbeau et de la colombe sur le mur du cimetière, l'usale légende chrétienne. La femme fuyait dans la direction de la croix. Fantarmerer la vit s'élancer sur les marches du calvaire. À ce moment, le chien noir était parvenu à la saisir par le bas de sa jupe. Mais elle, se précipitant, étreignit l'arbre de la croix et s'y tint cramponnée de toutes ses forces. Le chien noir disparut aussitôt, en lâchant un aboi terrible. Le chien blanc resta seul auprès de la malheureuse et se mit à lécher ses blessures. Le jeune homme dit alors à Fantarmerer : Vous pouvez maintenant continuer votre route, il n'est que minuit. Ne vous exposez plus à voir ce que vous avez vu. Je ne serai pas toujours là pour vous protéger. Il y a des heures où il ne faut pas être sur les chemins. Quand vous arriverez à Kervenou, entrez dans la maison qui est là. Vous y trouverez un homme en train de mourir. Passez le reste de la nuit à réciter près de son chevet les prières des agonisants et ne sortez de cette maison qu'à l'aube. Quant à moi, je suis votre bon ange. Conté par Marie-Louise Bellec, Port-Blanc. D'après un conte irlandais, The Hyde, Legends of Saints and Sinners, Georges Dautin, contes irlandais traduits du gaélique, la vieille de Béhara vit un jour passer une femme aussi blanche qu'un cygne et qui dépassait le vent dans sa course. Derrière elle venaient deux mâtins qui avaient 2 mètres de langue enroulée autour de leur cou. Un globe de feu sortait de leur gueule. À la suite des chiens, il y avait un carrosse noir attelé de 2 chevaux et chaque roue laissait sur la route une traînée de feu. Une voix sortit du carrosse et demanda à la vieille de Béhara si elle n'avait rien vu passer. Elle raconta ce qu'elle avait vu et demanda ce que signifiaient la femme et les 2 mâtins. « Je suis le diable, » dit la voix, « et ce sont 2 mâtins que j'ai envoyés à la poursuite de cette âme. C'est une femme qui a offensé un prêtre. Elle est morte en état de péché mortel. Si les mâtins ne l'atteignent pas avant qu'elle soit arrivée au ciel, elle obtiendra son pardon par l'intercession de la Vierge et elle sera hors de mon atteinte. Mais si les mâtins l'atteignent avant qu'elle soit arrivée au ciel, elle est à moi. On ne doit pas pleurer les défunts avant qu'il ne se soit écoulé 3 heures et au moins 1 heure depuis la mort, car la plainte de ceux qui se lamentent pourrait attirer les chiens qui guettent les âmes pour les dévorer avant qu'elles n'aient atteint le trône de Dieu. Lady Wilde.